Paris, sa banlieue, pas le contraire. Calame partout, Paris est partout, on expérimente et jette. Et les pécores, chouard avec crâne, tout part d'ici. Parisien, tête de chien, Paris, go, tranche de veau. Ville de chauffard, le bitume rend le mec ton nerveux. Y'a belle lurette que ça serait que pionnaire bœuf. Ville de sourds, au point un luxe, ça joue un mauvais tour. Riffifi à Paname, chez nous, plus qu'ailleurs, pas d'état d'âme. Eh coco, ça vire au Vietnam. Paris by night, rien à voir avec les branchouilles. Sarcal, si tu fais pas montrer ton derche, à moins d'être une relique ayée à la ganache et fion tiré. Ou sur fond de drama, fin de course bourrée de princesse scratchant sur le pont de l'Alma. Paname, parfois ça me débecque. On a la première tafiole de France, le plus grand escroc du royaume. Eh Narvalo, tous gambergent ici, subis, ton larfeuille vient chez nous. Il a 10 pas de chantreux, on est perçu au teint, et flambe comme des châtelains. Mais que veux-tu, ça fait tâche, et j'ai pas de buvard. Vive entre fumée et richesse, sans abandonner privilège et largesse. Sur fond de grosses caisses noires comme la marée, ils sont pas prêts de décentraliser. Ouais ma gueule, Paname, c'est l'Elysée. Demande à Sarko, peux pas causer. La maison mère est souillée, tu peux même pas l'étrangler. En faisant dans des os, et on fait toi un cassos. Fais une critique et t'y rêves d'y crécher. Madame, c'est comme un grand coup de grolle dans ta tronche. La ville la plus chmittée de France, assiégée. Ils sont plus nombreux que nous, mais qui a peur d'eux. Meurtre en série, premier tiré, demande à Guy, ça égore. Dans notre maquis, y'a du magot. Et comme au 20h, à coup de bélion, te fait valser un blindé. Y'a des galettes, viennent sûrement pas de chez Blin. On garde les gueuches car ça rétame jusqu'à demain. C'est la jungle, pas de liane et des seringues. Ici c'est pas New York mais Paris. Enquillé pour aller guincher, parfois ma couille faut être châtré. Ça des fourrailles en exigé ou mal accompagné. Ça besoin, ponction et cogne. D'ailleurs, le trou de balle de variette a déjà capté. Tu peux passer à la téloche, on va te tester. Paname, c'est le Far West, tu sirotes une roteuse en tapant le tarot. Et on te prend pour un carton, ville lumière. Quand la nuit s'éteint, les fripouilles s'allument. Paname, Paname, Paname, Paname. Unique, mythique. Dans ces nuits, avant de panique. Demande à Sarko de pas poser. La maison mère est suite, faut même pas l'étrangler. On sous-onde, on désosse et on fait tout un cassos. Une critique et t'y rêves d'y crécher. Paname, bonard, cette ville me file le gourdin. Parisien, mettons, fais-t'en une raison. T'es pas beau, pas le temps avec les miches. Tu chines une Shintok ou l'Afrique. Sur le périple pour 20 euros, t'as stick une trick. Paris, c'est Colors. Grandir avec police patrouille sur le même territoire. T'apprends à calter avant de marcher. Ou les kidames colorés, glaviotes sur cette morale dépravée. Chicane, puis exhibe. Chez nous, ça vit grave, pas que des t-shirts. Rêve tous d'être blindés comme Crésus. L'oseille et que ça suce. Le frometon pas trop quadrillé, mais son vif et aime le suivre. Paris, c'est chaud, même en hiver. Les prises de bec s'arrangent plus haut 22. Café, tu te fais zigouiller en moins de 2. Si t'en chies, c'est l'anarchie. Paris, ville de rat. Où les crevards spitting pour se rémousser avant minuit. Dans notre tombus, tu poses ton der sur un charlot, ça fait pas beau sur les photos, plus du hip-hop, mais la rue, à tous ceux du 20e au 1er, en passant par sa bonheur, on est ce qu'il y a de mieux, tant pis pour eux. C'est nous la capitale, et eux les crèvent la dalle, on est l'église et eux les curés en soutane. Paname, c'est deux spies, comme le purin que je balance sur ce beat. Demande à Sarko de peut pas causer. La maison mère est souillée, tu peux même pas l'étringuer. En faisant dans des ans, si on fait toi un cassos. Fais une critique et t'y rêves d'y crécher. Dans la sarco, on peut pas causer. La maison mère est souillée, tu peux même pas l'étrangler. En faisant dans des ans, si on fait toi un cassos. Fais une critique et t'y rêves d'y crécher.